Chapitre 40. Espace profond, la nébuleuse de cœur. Mais comment s'y prennent-ils ? S'exclama l'amiral Cronara en voyant les points verts qui représentaient ses chasseurs disparaître un à un du moniteur tactique. Les points bleus s'éclipsaient aussi, et cela correspondait aux Jedi. Tous les vaisseaux des Nihil, à l'exception du vaisseau-mère, se livraient à une manœuvre inconcevable. Ils disparaissaient pour réapparaître de l'autre côté du champ de bataille, surgissant et se volatilisant presque aussi vite. Les pilotes de la République n'arrivaient pas à suivre, et les Nihil en profitaient, abattant un par un ses Longbeam et ses Skywing. La tactique ne semblait pas entièrement contrôlée, cela dit. Les vaisseaux des Nihil se matérialisaient sur les trajectoires de la République et des Jedi, mais aussi des leurs. Il en résultait un véritable chaos, un chaos explosif, meurtrier. « Des champs de dissimulation ?» demanda-t-il. « On ne dirait pas, amiral, » répondit l'un de ses officiers de pont. « Les scans laissent entendre qu'ils effectuent des sauts en hyperespace, des sauts minuscules, d'un simple kilomètre parfois. »« C'est impossible !» L'officier ne répondit rien judicieusement. De toute évidence, c'était possible. Ces fichus appareils étaient en train de le faire sous leurs yeux. Un autre Longbeam explosa. Trois bons éléments de perdus au minimum. Certains vaisseaux de cette classe en contenaient jusqu'à 24. C'était... Comment lutter contre ce genre de choses? Cela revenait à affronter le chaos lui-même, à combattre... une tempête. Sur l'Ataraxia, Avar Kriss flottait au-dessus du pont et écoutait le chant de la Force. Elle tentait de se concentrer exclusivement sur les notes des vaisseaux Nihil, tandis qu'ils émergeaient de l'hyperespace et y replongeaient, exploitant cette tactique insolite de la façon la plus meurtrière qui soit. Les Nihil ne représentaient toutefois qu'une ligne mélodique dans la grande symphonie de la bataille. Une ligne malaisée à isoler. Heurtée, saccadée, elle disparaissait pour reparaître ensuite. Difficile à suivre. Avar fronça les sourcils. L'absence des Jedi qu'il venait de perdre résonnait dans sa tête et lui compliquait encore la tâche. La grande Jorah Mali et tant d'autres avec elle. C'était un accident, impossible à prévoir. Mais ça n'adoucissait pas la tragédie pour autant. Là. Là. Ça y est, la Force venait de lui montrer le champ des Nihil, leur façon de voler et de se battre. Elle l'entendait distinctement, ce qui signifiait qu'elle savait non seulement ce qui se passait, mais, dans une certaine mesure, ce qui allait se produire. Avar étendit sa conscience vers les Jedi à bord de leur Vector grâce au réseau qu'elle avait créé pour les guider. Les aider à entendre ce qu'elle-même entendait, afin qu'ils anticipent l'endroit où les appareils des Nihil allaient réapparaître et mettent un terme définitif à cette bataille. Elzar Mann filait à bord de son Vector, plongeant et se faufilant à travers les combats, d'une cible à l'autre, tirant quand l'occasion se présentait. La dérive s'était éparpillée lorsque la collision avec le vaisseau Nihil avait emporté plus de 10 de leurs appareils. Et à présent, chaque Jedi devait trouver sa propre voie dans le chaos environnant. Avar était là, bien sûr, en arrière-plan de son esprit, assurant la cohésion des Jedi, les aidant et les guidant, comme toujours. Il ne comprenait pas vraiment ce qu'elle faisait, car l'information qu'elle transmettait semblait diffuse, mais il touchait ses cibles, chaque tir frappant un vaisseau adverse, souvent au moment même où il émergeait de l'hyperespace. Ce que faisait Avar n'avait guère d'importance, à vrai dire. Il appréciait simplement qu'elle l'accompagne dans sa tête. La présence des Nihil lui convenait moins. C'était à croire que ces créatures n'étaient faites que de rage et de peur. D'étranges monstres rampant au fond de l'océan de la Force dans lequel nageait toute chose. Elzar Mann plongea dans les abysses et se mit à les traquer un par un. C'était stupéfiant. Ils n'avaient aucun mal à les trouver. Leur colère les rendait vulnérables. Ce qui, à leurs yeux, les rendait forts et dangereux, était une faiblesse au bout du compte. Il tira de nouveau, et un autre vaisseau ennemi disparut. Traversant le nuage de débris, il cherchait déjà sa prochaine cible. Est-ce qu'on est en train de... gagner ? S'étonna Delex depuis son poste de surveillance où elle s'efforçait de suivre l'évolution incompréhensible de la bataille qui faisait rage tout autour du New Elite. Kassav n'avait aucune idée de la réponse à lui donner. Les mystérieux sentiers de guerre de Mark Yonro semblaient avoir pris le contrôle des vaisseaux de sa tempête par l'intermédiaire des réacteurs à sentiers. Il les catapultait et les extrayait de l'hyperespace à raison d'un saut toutes les 2 ou 3 secondes. Certes, les appareils de la République n'avaient presque aucune chance de les toucher, mais il restait à savoir si le phénomène leur conférait réellement l'avantage. Les rares communications qu'il leur parvenait de la part des foudres et des nuages impliqués dans la mêlée donnaient une impression de confusion, voire de terreur. « Un autre message de l'œil !» signala Trempette. « Sur votre canal privé, Kassav. » « Mark Yonro, » pensa Kassav. Ce salaud de Mark Yonro. Il activa sa com et n'attendit pas que l'œil parle. Qu'est-ce que c'est que ça ? La victoire, rétorqua Mark Yonro. Elle s'est fait attendre, mais ce n'est que la première d'une longue série. Bon sang, qu'est-ce que tu racontes ? C'est toi qui as tué mon père, n'est-ce pas ? Kassav hésita. Pas très longtemps, mais suffisamment, sans doute. De quoi tu parles, Markion ? On est en train de crever, nous, ici. Je ne suis pas totalement sûr que c'était toi, poursuivit l'œil des Nils. Mais je choisis de le croire. Et sinon, eh bien, l'heure de l'Urnadi et de Panetta viendra aussi. Au revoir, Kassav, et merci. Toi et ta tempête, vous êtes sur le point de sauver les Nils. Nous vous remercions pour votre sacrifice. La connexion coupa et le Wiki observa la bataille par la baie d'observation. Il vit ce qui était en train de se produire, comme tous les occupants de la passerelle. Mais qu'est-ce qu'il fiche ? Balbutia Gravan. Les vaisseaux de la tempête de Kassav avaient de nouveau changé de tactique. Il ne bondissait plus d'un point à l'autre en effectuant de courts trajets en hyperespace, mais visait activement les vaisseaux de la République en sautant directement sur eux. Il les percutait de plein fouet dans le cas des petits appareils, ou surgissait à l'intérieur de la barrière des boucliers des plus vastes croiseurs pour s'écraser contre leurs coques dans d'immenses gerbes de feu et de débris. « Éteignez les réacteurs à sentier !» hurla Kassav. « Vite !» Le Third Horizon frémit tandis qu'un autre appareil des Nils se pulvérisait contre sa coque. « Rapport d'avarie !» demanda l'amiral Cronara. Ce dernier assaillant avait employé la même ruse que d'autres en émergeant de l'hyperespace à l'intérieur des boucliers du Third Horizon. « Brèche sur les ponts 3 et 4. Mais il s'agissait d'une section non essentielle, amiral. Des équipes d'urgence sont en route, mais l'impact n'affectera aucun système indispensable. » Il n'avait jamais rien vu de tel. Les Nils n'étaient pas des fanatiques à sa connaissance, simplement des pillards. Qu'est-ce qui pouvait pousser ces gens à se suicider de la sorte ? Ils savaient certainement que la République chercherait à les faire prisonniers autant que possible. Aucun d'entre eux n'était condamné à une mort certaine. « Envoyez une autre transmission au vaisseau mère, » ordonna-t-il. Redites-leur que nous sommes prêts à accepter leur reddition et que nous les traiterons humainement. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Il avait imaginé toutes sortes de scénarios pour cet affrontement, mais certainement pas celui-là. C'était une boucherie. Le chant était devenu triste, et Avarkris ne souhaitait plus l'écouter. D'après ce qu'elle percevait, les Nils étaient devenus semblables à de petites créatures sauvages prisonnières d'une cage, cherchant désespérément à s'échapper et faisant tout ce qu'elles pouvaient pour y parvenir, même si elles en souffraient, même si elles en mouraient. Quel effroyable gâchis. Ils sont devenus fous, pensa Cronara. Il se considérait réellement comme un homme de paix malgré sa profession. Il y avait ce cliché du militaire presque toujours vu comme psychotique, mais ce n'était pas son cas. Cronara savait qu'il y avait un temps pour la guerre, mais qu'il fallait l'écourter autant que faire se pouvait et en limiter l'aspect destructeur. Mais Sénil, il se battait sans raison, mourait sans raison. Des attaques suicides. Difficile d'imaginer ce qui pouvait bien pousser des êtres pensants à de telles extrémités. Il n'en restait plus beaucoup désormais par rapport à l'effectif d'origine. Cronara avait rappelé la majorité de ses chasseurs à rejoindre les vaisseaux capitaux. Du côté de la République, dehors, il ne restait guère plus que les Jedi. Les Vector et leurs pilotes disposaient de la maniabilité nécessaire pour garder une longueur d'avance sur les micro-sauts des Nihils. Des nuages de débris dérivaient lentement dans toute la zone entourant la nébuleuse. Un véritable cimetière. Le vaisseau-mère demeurait le seul engin adverse important, et jusqu'alors il ne semblait pas disposé à suivre l'exemple des appareils les plus petits en cherchant à éperonner l'ennemi. Des bêtes sauvages. Il fallait qu'ils soient éradiqués. Cronara détestait cette conclusion, mais il ne pensait pas se tromper. À point nommé, une transmission parvint sur la passerelle du Third Horizon. Une voix froide, mais pas dépourvue d'émotion pour autant. Non, on sentait de la rage dans ce ton, mais une rage contrôlée, focalisée, comme la pointe d'une foreuse à diamant. La commandante de la phalange d'Eriadou. La gouverneure Mural Vin. Amiral Cronara, dit-elle. Nous reconnaissons la primauté de la République dans cet affrontement. Mais nous vous demandons d'avoir la courtoisie de nous laisser nous occuper du vaisseau mère des Nihils, compte tenu de l'injustice perpétrée par ces créatures contre notre système. Très bien, gouverneur. Je vous en prie. Il n'avait même pas eu à réfléchir. Si les membres du contingent d'Eriadou voulaient tenter un abordage contre le genre d'ennemi que les Nihils s'étaient révélés être, ils ne pouvaient qu'applaudir. Sans doute même, songea-t-il, qu'ils allaient y prendre plaisir, trouver en cela un moyen de rétablir l'équilibre. Et une fois l'appareil neutralisé, peut-être pourrait-il obtenir des réponses. Il y avait forcément une personne de haut rang à bord de ce vaisseau-mère. La République manquait tellement d'informations sur cette organisation alors qu'elle en avait désespérément besoin. Les appareils Eriadouan n'hésitèrent pas. Dès qu'ils reçurent le feu vert, ils foncèrent sur le vaisseau-mère des Nihils comme les pointes de lance auxquelles ils ressemblaient. Cronara avait assisté à une chasse aux riques autrefois, sur Ilésia. C'était exactement comme ça. Le massif animal ne succombait pas à une unique blessure grave, mais à une multitude de petites attaques qui le saignaient peu à peu, jusqu'à ce que la bête finisse par s'allonger par terre et mourir. Chaque frappe des Eriadouan neutralisait l'un des systèmes du vaisseau des Nihils. La propulsion, les batteries d'armement, les boucliers, tous tombaient un à un. Le vaisseau éclopé n'était plus qu'une coquille flottant dans le vide. Cronara regarda le plus grand des appareils d'Eriadou s'approcher de l'engin mort, se préparant à l'amarrage et à l'abordage. Il n'enviait pas les Nihils survivants à bord de ce vaisseau. Pas le moins du monde. Kassav était assis dans son fauteuil de commandement sur la passerelle de son vaisseau naguère magnifique. La musique s'était arrêtée. Les haut-parleurs ne crachotaient plus que des parasites. La fumée des systèmes grillés avait envahi le pont, mais son masque la filtrait et lui permettait d'y voir malgré tout. Par exemple, il distinguait sans peine l'écran d'affichage de la bataille qui lui montrait que sa puissante flotte avait pratiquement disparu. Ça et là, il restait quelques petits vaisseaux qui luttaient encore jusqu'au bout. Mais c'était tout. Ces vestiges ne suffisaient pas à faire une tempête, et encore moins une fournaise. À vrai dire, on dépassait à peine le niveau de la foudre. Mark Yonro et son père avaient donné les sentiers aux Nihils. Tous les appareils jusqu'au dernier étaient équipés de réacteurs à sentier directement reliés à l'hyperdrive et au système de commande. Ces machines les rendaient capables de prouesses incroyables, longer des routes cachées derrière la trame de l'espace, accomplir des exploits inaccessibles aux autres vaisseaux. Les sentiers donnaient leur force aux Nihils. Et comme Kassav l'avait compris trop tard, les réacteurs à sentier constituaient aussi leur faiblesse. Markion avait simplement pris le contrôle. Placer les vaisseaux là où il le voulait. Le Wiki ignorait pourquoi. Sans doute par vengeance, et pour effectuer une sorte de putsch. Mais il devait y avoir autre chose. Les subtilités le dépassaient. Honnêtement, ça n'avait plus d'importance. Il entendit les bruits de combat derrière lui et prit conscience que très bientôt, les derniers membres de l'équipe d'un millier d'imbéciles qui avaient choisi de se placer sous ses ordres allaient trépasser. Ses orages, Gravan, Delex et Trempette, tous morts. Kassav décida de dire aux Eriaduan tout ce qu'il savait. Il pouvait passer un marché. Il était doué pour ce genre de choses. Il avait tant d'informations à leur révéler concernant Markion Ro et les autres Nihil. Des informations qu'il recherchait. « C'est vous qui commandez ce vaisseau ?» Kassav pivota sur son siège pour faire face aux Eriaduan. Ils portaient des armures de combat et se tenaient droits comme des i. Kassav regretta amèrement de n'avoir pas choisi un autre système lorsqu'il avait décidé d'extorquer 50 millions de crédits. En tête se trouvait une femme aux cheveux gris, mince comme une lame de couteau, et Kassav comprit qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir vivant. Non pas en raison de sa présence physique imposante, ni du blaster qu'elle avait au poing, ni même des taches de sang qui maculaient son armure et auxquelles elle ne prêtait pas la moindre attention. Non, son heure avait sonné parce que Kassav croyait reconnaître la voix de la femme. Et s'il avait vu juste, elle ne négocierait pas. Aucune chance. Mais il fallait quand même qu'il essaie. « Je peux vous aider. On devrait parler. Vraiment. Faisons un marché. » « Je sais ce que valent vos marchés, Kassav Miliko, » répondit Mural Vin, gouverneur planétaire d'Eriadou, la femme à laquelle il avait fait des promesses qu'il n'avait pas tenues, celle qu'il avait volée, et... elle l'a bâtie. L'amiral Cronara se tenait, silencieux, sur la passerelle du Third Horizon. Aucun des autres membres d'équipage ne disait mot. Ils se contentèrent de regarder le dernier vaisseau Nihil, un petit appareil d'assaut qui ressemblait à un cargo rafistolé incapable d'infliger le moindre dégât à un croiseur de la République de classe émissaire, voler en direction des batteries laser du Third Horizon et exploser. L'éclat vert de la nébuleuse de cœur illuminait une scène de destruction absolue. Des fragments de vaisseaux de toutes les tailles flottaient sans but dans la zone d'affrontement. La plupart venaient des Nihil, mais l'unité de la CDR avait subi des pertes atroces, principalement parce qu'ils s'étaient attendus à une simple escarmouche face à une bande de pillards désorganisés. Les vestiges de deux croiseurs de classe pacificateur ainsi que leurs équipages flottaient dans le vide, eux aussi, en compagnie de bien trop de Longbeam, de Skywing et de Vector, avec leurs pilotes, évidemment. S'il y avait un point positif à en tirer, une bien maigre consolation pour sûr, c'était qu'il ne faisait plus aucun doute à Cronara que la menace que représentaient les Nihil devait être éradiquée. Or voilà, c'était fait. Quels que fussent les objectifs des Nihil en ce lieu et la nature de ces pillards, c'était terminé.